l'asile m'annonçant la nouvelle de son dernier combat. Elle me dit que la nuit l'a rendu trop fragile et qu'elle veut plus ramer pour d'autres Guernica. Et moi je lis ses lettres le soir dans la tempête, en buvant des cafés dans les stations-service. Et je calcule en moi le poids de sa défaite, et je mesure le temps qui nous apoplexise. Et je me dis stop, mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs, encore plus loin, ailleurs. Des vieillards qui font la sentinelle et me demandent si j'ai pas des cajous pour la nuit. Je me balance mes buvards et tire sur la ficelle pour rappeler le démon qui invente à l'ennui. Je promène son masque au fond de mes sacoches avec le négatif de nos photos futures. Je m'enduis l'oxygène aux sorties du cinoche et vend des compresseurs à Mélanie Bromur. Et je me dis stop, mais je remonte mon col, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs, encore plus loin, ailleurs. Je piaffe et m'impatiente au fond des starting blocks. Je m'arrête pour mater mes corbeaux qui déjeunent et mes fleurs qui se tordent sous les électrochocs. J'imagine le rire de toutes nos cellules mortes quand on se tape la bascule en gommant nos années. J'ai gardé le turbo pour défoncer les portes, mais parfois il ne reste que des violons pour pleurer. Je me dis stop. Le site de la radio? Bah www.rq. Je remonte mon col, j'appuie sur le starter et je vais voir ailleurs, encore plus loin, ailleurs. Plein de fric, il est musicien, il joue de la guitare électrique avec moi sur scène. Quand il joue trop fort, il fait du Larsen. Alors je lui dis, tu fais du Larsen en Rupin sans bec. Je vous jure que c'est vrai, les mecs. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Les mecs qui disent je suis né sur un camion citerne parce que j'ai les jambes arquées et il paraît que ça se voit. Je vais dire c'est des conneries parce que le camion en fait il était pas citerne que ça sans bec. Je vous jure c'est vrai les mecs. Jambes de bois, paille de fer, si je mange je vais en enfer. L'autre jour je me réveille avec la gueule de bois, j'avais une sale tronche et les yeux cernés. J'ai regardé mes yeux et je leur ai dit comme ça, allez rendez-vous, vous êtes cernés sans bec. Je vous jure c'est vrai les mecs. Cheval de bois, rideau de fer, si je mange mais en enfer. Il paraîtrait qu'un mec qui se décolore les cheveux, il a l'air d'un travelot et c'est ridicule. Il paraît que les travelots quand on avance circulent. Moi je trouve ça normal, c'est les travelots de recul sans bec. Je vous jure c'est vrai les mecs. Gueule de bois, chemin de fer, si je mange mais en enfer. Avec moi mon frère jumeau, on se ressemble vachement. Mais faut dire que nous deux, c'est lui le plus ressemblant. Le jour de notre naissance, deux scarabées sont morts. Dès qu'un enfant rentre dans la vie, un vieillard en sort. Sans bec, je jure c'est vrai les mecs. Paul Prébois, Gaston de Fer, si je mange je vais en enfer. Sans bec, je jure c'est vrai les mecs. Robin des Bois, Rochereau d'enfer, si je mange je vais en enfer. Sans bec, je jure c'est vrai les mecs. Dans la vie, faut pas s'en faire, si je mange je vais en enfer. Sans bec, je vous jure, c'est vrai, les mecs. On a beau dire, on a beau faire, si je mange, je vais en enfer. Sans bec, je vous jure, c'est vrai, les mecs. Crois le bois, crois le fer, si je mange, je vais en enfer. Sans bec, je vous jure, c'est vrai, les mecs. Oui, l'endroit, ou bien l'envers. Il est 15h passé de quelques minutes sur le www.rqc.be. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Rock the Nations sur le 95FM, comme tous les dimanches de 15 à 17h. 2 heures de classique rock, hard rock, de métal et plein de bonnes choses pendant ces 2 heures à venir, avec la présence de monsieur Axel Meux, le rédacteur en chef de Sounds Like Hell, qui vient de sortir son 4e et dernier numéro il y a quelques jours avec VR sans couverture. Donc Axel va nous raconter un peu ses péripéties, puisqu'il était déjà venu l'année dernière. Bah, c'est une interview en forme de bilan, et puis bah, tous ses projets, et puis bah, si tout va bien, je pense qu'il va bien. On a commencé l'émission avec TFN en 1982, son 5e album. L'album s'appelle Soleil cherche futur, le morceau Autoroute jeudi d'automne. À l'instant, Renaud, à l'époque où il avait un semblant de voix, en 1979, son 3e album, et le morceau Sans deck. On part en 1977, la déferlante punk et les Sex Pistols, le morceau EMI. Support us. An unlimited amount. Too many outlets in and out. Who? EMI. EMI. EMI. The seven friends are crucified. A day they wish that we had died. That we were faking, that we were all just money making. You do not believe we're for real, or you would lose your cheap appeal. Don't you judge a book just by the cover, unless you cover just another. And blind acceptance is a sign of stupid fools to stand in line. Da da da da.

Il y a quatre ans, nous quittait le regretté Clive Burr, et déjà 4 ans. Et donc, de ce fait, Rock the Nations rend hommage à ce grand batteur qui a également œuvré au sein de Trust, au sein de Samson, Praying Mantis, j'en passe et des meilleurs. Et là, bien sûr, on s'est écouté un extrait du terrible deuxième album d'Iron Maiden, Killers, et le morceau Murders in the Rue Morgue. Salut Axel. Salut. Comment vas-tu ? Je vais super bien. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît. Tout va bien, le moral est au beau fixe. Alors, Avec ce beau temps, difficile de ne pas avoir le moral. Ouais, c'est vrai. Puis les concerts sont là, le boulot est au rendez-vous, donc je ne chôme pas du tout. Donc ça va, tout va bien. Ah bah ça, oui, on se doute que... Non, t'es loin d'être un fainéant. Hein. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour l'interview. On va repartir en musique avec le deuxième album de Skid Row, paru à l'été 1991, produit et enregistré. Et oui, j'ai coupé le micro. Ouais. Là, je l'ai remis, si tu veux, tu peux intervenir. D'accord. Et donc, produit et mixé par Michael Wagner, Slave to the Grind, et le morceau The Fret. Society won't be. Taking no prisoners, doctrines of the world. Judas Priest, l'album du grand retour de Rob Halford, Angel of Retribution, paru tout début 2005, et le meilleur morceau de l'album, le morceau d'ouverture, Judas Rising, juste auparavant les Français de Born From Lie, l'album The Promised Land sur le label Brainus, et le morceau In My Head. On reste dans les nouveautés avec le premier album de Sleazer, les Italiens de Sleazer, sur le label de Fabian Pinto, Inferno Records. L'album s'appelle Fall Into Disgrace. Et extrait de cet album, on s'écoute le morceau Straight In Your Ray. We'll be right back. All Night Long, le premier live de Scorpion, Tokyo Tapes, bien sûr, un live emblématique que tout fan de musique en général se doit de posséder, paru en 1978 et dernière apparition sur vinyle pour monsieur Uli John Roth qui est parti ensuite fonder son Electric Sun. Allez, on part avec les Français de ADX, un groupe que j'adore, ADX, leur dernier album en date paru l'année dernière, Non Serviam, et le morceau du même nom. ADX avec leur dernier album Non Serviam paru l'été dernier et le morceau du même nom. On va bientôt retrouver Axel et son fanzine Sans Laquelle pour une interview, mais on part en musique avec l'album du mois Voivode via Outer Limits, un terrible album paru en 1993 et on s'écoute le morceau The Lost Machine, Voivode, et c'est l'album du mois sur Rock the Nations. We'll be right back. superbe, magnifique, les superlatifs me manquent pour décrire cet album Voivode paru à l'été 93 via Outer Limits et le morceau The Lost Machine. Axel, tu es toujours là. Je suis toujours là, toujours vivant, toujours debout. Comment vas-tu depuis l'année dernière? Ça fait presque, quasiment un an, jour pour ouais, jour. Ouais, c'est même jour pour jour, on peut le dire, parce que la dernière fois que j'étais venu ici, c'était pour faire la promotion du nouveau Soul Michael version PDF avec Mastisteria en couverture. Oui. Et depuis ce jour-là, rien n'a pas marché. Il y a eu beaucoup d'évolutions, mais l'ambition est toujours la même en fait. C'est ça qui est important à souligner. On est passé au format papier à partir du septembre 2016. Le premier numéro. Numéro en papier, c'était Corne en couverture. Corne en couverture, oui, tout voilà. À fait. Et en fait, je savais très bien en venant, quand j'étais venu te voir en mars dernier, donc en mars 2016, que ça finirait par aboutir, étant donné que j'étais déjà rentré en contact avec Alex de Now Noise, avec qui j'avais déjà discuté pas mal de temps pour mettre en place le projet. Et moi dans mon coin en fait j'avais continué à bosser tout seul dans mon coin sur le format PDF. Et ensuite en septembre en fait on s'est vu en juillet. Et là on a commencé à vraiment travailler sur la première édition papier du Soul Michael Fanzine avec Korn en couverture. Et de là j'ai commencé à engager mon équipe. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais tout seul, maintenant on est 18. 18 ? Voilà une équipe qui tourne. C'est une équipe qui tourne. En plus, y a aussi le webzine qu'il faut faire tourner, en plus du magazine. Donc ça demande une omniprésence sur les réseaux sociaux et sur la région, en fait, tout simplement. T'as eu le temps de prendre du recul pour faire un bilan de cette année 2016 et de l'année 2017 qui vient de commencer depuis déjà de trois bons mois. Je pense que rien n'est jamais acquis, hein. Même quand on a un magazine en papier, format papier, rien n'est jamais acquis. Il faut continuer à bosser, parce que c'est quand même un travail au final. Mais le bilan, pour moi, il est toujours très positif, hein. Même si je suis pas toujours satisfait de mes écrits, même si je me remets toujours en question pour certaines choses, notamment lors de mes interviews, quand je fais des répétitions, des fameux... quand je me répète lors d'une interview, il faut toujours prendre du recul, mais je pense que c'est le fait de ne jamais lâcher qui me permet de découvrir encore plus de choses et de rencontrer des musiciens toujours plus prestigieux. Parce qu'il faut savoir que quand on a déjà rencontré pas mal de gens dans sa vie qu'on aime, il faut le but c'est d'aller toujours plus haut, de voir encore plus haut, et je pense qu'au final ça marche bien quoi. Effectivement, parce que depuis donc 4 numéros sont sortis, le premier avec Korn, le deuxième Airborne, et le troisième Regarde les hommes tomber, et enfin le tout dernier qui vient de sortir il y a quelques jours avec VR sans couverture. Quels sont les critères pour choisir une couverture? Alors tout d'abord, pour le premier numéro, on voulait une couverture qui... Je sais pas, j'ai décidé de mettre Korn tout simplement, étant donné que le groupe faisait beaucoup parler de lui, notamment avec leur nouvel album qui allait arriver dans les bacs. Et étant donné que j'avais écouté, je suis pas forcément fan de Korn, mais étant donné que les extraits que j'avais écoutés étaient assez bons, très bons même, on voyait clairement un retour aux sources, je me suis dit, je vais les mettre en avant, comme ça, ça va faire un peu de promo, même si le groupe n'a pas vraiment besoin de moi pour faire de la promo, mais je me suis dit, ça serait bien de les mettre en avant. Ensuite, en fait, du coup, on les a mis en couverture, on a fait un petit encadré en news pour les mettre en avant. Sauf que, en fait, on a eu des critiques. On nous a dit, vous mettez pas assez en avant la couverture. Le groupe de couverture n'était pas assez mis en avant. Du coup, pour le numéro 2, pour Airborne, on a soulevé le fait, en fait, que Airborne revenait dans la région pour leur concert à l'aéronef. Donc, cette fois-ci, on a décidé de mettre Airborne en couverture pour promouvoir l'événement à l'aéronef. Bien sûr, oui. Et en ce qui concerne Regarde les hommes tombés. Alors là, c'était, étant donné qu'il y avait une interview de page, et étant donné que c'est un groupe, c'est pas vraiment du black, mais un groupe extrême, de metal extrême qui évolue dans le bon sens, et en plus ils sont français, on a fait une interview de page d'eux, notamment Mario, qui est notre webmaster et aussi rédacteur, et vu qu'il est super fan du groupe, on a mis Regarde les hommes tombés en avant. Et enfin, pour le numéro 4, on avait le choix entre The Arse et Children of Bodom, étant donné que Children of Bodom passe à Wani le 18 mars prochain, Et étant donné que The Air se sépare, ils font une longue tournée, une grosse tournée en France, une tournée qui va passer au biplan en mai prochain. On s'est dit, et vu qu'il y avait des fans du groupe dans l'équipe, on s'est dit, pour faire plaisir au groupe et pour faire plaisir aux fans du groupe dans nos rédacteurs, on va mettre The Air sans couverture. Comme ça, on fait une rétrospective de leur carrière et on met en avant la date de The Air au biplan. Qui a lieu le... Qui a lieu, il me semble, c'est le 23 mai. Attendez, je vais regarder, c'est parce que c'est écrit dans le magazine. Bien sûr. Alors, je fais... C'est le 26 mai prochain. Le 26 mai prochain, donc The Air au biplan. C'est noté, voilà. On repart en musique. Allez. Donc je t'ai demandé de ramener un peu de musique, hein, voilà. Bien sûr, et puis tu nous as choisi un choix un peu curieux, Face No More. C'est un groupe que j'adore, mais c'est avec Chuck Mosley. Ouais, voilà. T'aimes pas Mike Patton ? Ah si, j'aime bien, mais en fait le premier album de Face No More, donc We Care A Lot, il est instinctif, il est hyper naturel, et on voit que le groupe est vraiment à ses débuts, et il n'y a vraiment aucune fioriture, et... Je pense que c'était vraiment l'essence du groupe quand il a commencé. Ce qu'il y a, c'est que... Enfin, moi, j'ai découvert Face No More avec The Real Thing, bien sûr. Oui, oui, et moi. Après, je me suis penché sur la discographie avec Chuck Mosley. Bon, c'est différent, mais... C'est différent, c'est le chant qui est différent. Parce que sinon, tout est déjà en place. Hein, le gros son de guitare de Jim Martin, la frappe de Mike Bordin, les claviers aussi, bien sûr, de Roddy Bottom, qui sont très importants dans le son Face No More, et bien sûr, la base de Bill Good. Voilà. Donc oui, effectivement, tout est là déjà. Donc extrait de ce premier album, We Care A Lot, tu as choisi le morceau We Care A Lot, bah je oui, pense. C'est le meilleur pour moi. C'est le morceau d'ouverture. Ouais, il y a des bons morceaux. Hein. Il y a par exemple le morceau Bark Bowen qui ouais. A été interprété en live featuring Mike Patton. Il transcende cette version, hein, bien sûr. C'était disponible sur un des CD singles quand les groupes sortaient des singles, bien sûr, pour promouvoir leur album. Allez, We Care A Lot, c'est Face No More featuring Chuck Mosley. Face No More en 1986, leur premier album We Care A Lot featuring Chuck Mosley aux vocals et le morceau du même nom. Vous êtes bien à l'écoute de Rock the Nations comme tous les dimanches de 15 à 17h sur le www.rqc.be ou sur le 95FM. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de l'émission Rock the Nations Radio Show, c'est l'intitulé, ou sur ma page perso Bruno Iron Alford, Iron Alford avec le I, le H en majuscule et en un seul mot, s'il vous plaît. Axel est toujours dans le studio, yeah. Tout va bien, il ouais. Y a du bon son, ouais. Il fait bon, on est bien. Concernant ton zine, on t'a quand même pas mis des bâtons dans les roues pour le faire, pour le sortir. Le sortir en papier, pas forcément. Je vais pas faire l'itinéraire de tout mon périple pour pouvoir réaliser ce magazine en papier. Ouais, mais sinon on en a jusqu'à ce soir, hein, je pense. J'ai rencontré quelques problèmes, hein, notamment au début. Bon, après c'était beaucoup de critiques, des critiques, hein, tout simplement, sur Facebook. Tu sais très bien que les gens se libèrent un peu sur Facebook et disent plus facilement ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux, mais en face il n'y a plus personne en général. Sinon, oui, j'ai rencontré quelques problèmes, étant donné que j'alterne trois différents médias. J'ai Soon Laquelle, hein, donc j'étais fondateur depuis le début. J'ai rejoint Metal Cunt après, puis ensuite Metalian. Et pour certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, hein, ça sert à rien, c'était pas bon pour moi de faire trois médias différents. Alors du coup, ils ont essayé de m'expulser d'un des médias en particulier. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est un bâton dans les roues en particulier, mais sur le moral, ça joue énormément. En fait, on te reproche d'être trop présent, quoi. Voilà, de monopoliser la scène, étant donné que je suis quelqu'un d'assez hyperactif. J'aime bien être partout, mais en aucun cas, je trace mon chemin vraiment sans me soucier des difficultés que pourraient m'apporter les autres. Sinon, des difficultés, j'en rencontre pas forcément. Après, c'est sûr qu'il est toujours assez difficile de boucler un numéro en 2 mois. Alors que, deux mois, c'est 2 mois sur le papier, vu que c'est un bimestriel. Il faut savoir que la grosse majorité du boulot se fait les 10 premiers jours, j'ai envie de dire. C'est quand on dispatche le boulot à faire, ça c'est pas évident, parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Donc voilà, sinon tout va bien, on réussit toujours à intéresser les promoteurs pour avoir des encarts de pub. Et je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure, étant donné que maintenant, je pense que Soon Laquelle, le nom est ancré un peu partout dans la région. Donc, automatiquement. Non, mais complètement, oui, bien sûr. On a des arguments, j'ai envie de dire. On n'est pas des. Moi, je ne supporte pas les gens qui. C'est un orgasme chez moi. Qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien. Moi, dès le départ, quand j'ai commencé Soon Laquelle, c'était clair pour moi. Je voulais aller au bout du processus. Donc voilà, maintenant, je pense que le boulot est fait. Les gens sont intéressés, alors on continue et on voit plus gros, hein, comme je te dis, là on est sur du 36 pages, il se peut bien que le prochain numéro soit en 46 pages. Donc voilà, ça demande c'est beaucoup de communication au final faire un magazine. On peut déjà parler du numéro 5 peut-être ? Ah oui, bien sûr, on peut en parler, étant donné que toutes les interviews ont été... Toutes les interviews ont été dispatchées, donc oui, moi, dans ma tête, je sais à quoi il va ressembler, le magazine. D'accord, c'est-à-dire ? Bah oui, on en parle, parlons-en. Il y aura un focus spécial Hellfest, étant donné qu'on est en partenariat avec le Hellfest cette année, ce qui est quand même assez énorme. Au départ, j'ai commencé tout seul, et maintenant, on se retrouve propulsé dans la cour des grands, je veux dire, parce qu'on a quand même 2 places à faire gagner pour le Hellfest. Bon, ça, c'est grâce à Now Noise, hein, oui. Qui a réussi à gérer le partenariat. Mais je me dis que c'est quand même dingue qu'un petit média comme ça arrive à je ne vais pas dire concurrencer, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, mais à se mettre au même niveau que d'autres médias qui font gagner aussi des gros lots comme ça. Alors oui, il y aura un dossier 10 pages spécial Hellfest, mais il y aura aussi des interviews diverses et variées, on aura pour tous les goûts. Vraiment, comme là, il y a du Black, il y a Moonrise, mais il y a aussi du Heavy Metal, il y a Nightmare. On essaye de faire en sorte que tout le monde s'y reconnaisse. Donc il y aura des groupes locaux, dont des groupes que toi tu connais bien, c'est sûr. Mais sûrement des amis à toi. Je vais pas citer les noms. Il y aura aussi, pour commencer, on a mis 2 groupes étrangers. Des groupes anglais. Un groupe anglais et un groupe... Deux groupes britanniques. Qui ont signé chez des labels que nous on connaît. dont un label nordiste, dont je ne citerai pas le nom, peut-être que tu vas passer de la musique 2 prochainement là sur, sur l'émission, je ne sais pas lequel. Oui, on verra. Alors voilà, c'est ça. Ensuite, je ne vais pas citer les noms parce que ça ne sert à rien, parce qu'il faut que les gens, quand ils voient la faut qu'il y ait l'effet de surprise. L'effet de surprise, il ne faut pas tout gâcher. Mais bien sûr, il y aura toujours des groupes locaux. Les groupes locaux qu'on connaît bien aussi. Donc voilà, vous verrez bien dans 2 mois. D'accord, très bien. Surprise, sûrement. Bon, en sachant déjà que le fanzine, il y aura 10 pages de plus. Normalement, j'ai bien normalement. Ça dépend en fait des annonceurs. Hein. Si nous on se sent capable de pouvoir débloquer de l'argent pour. Après c'est pas moi qui gère tout ça, mais c'est une question de fond. Parce que nous on gagne pas d'argent, mais le magazine il vit grâce à la pub. Donc si nous on n'a pas de pub, on n'a pas de page en plus. C'est logique, c'est logique. Tu peux rappeler le tirage de ton zine ? Voilà, c'est 3000 exemplaires. 3000 exemplaires dispatchés un peu partout dans la région gratuitement. Depuis le début, c'est 3000 exemplaires ou depuis ça, le début, ça a changé mais ça va évoluer. Ça va évoluer. Voilà, ça dépend des contrats qu'on met en place. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Axel Meux cette année 2017 ? Bah, toujours plus d'épanouissement et du temps. J'aimerais bien avoir du temps en plus. Ouais. Voilà, ouais. Parce qu'il y a quand même. Ouais, c'est une laquelle ça fait partie d'une partie de mes projets, mais il faut savoir qu'à côté, j'ai plein d'autres ambitions. T'as encore le temps de faire de la musique ? Non, plus vraiment, non. Non, plus vraiment. Donc t'es parti pour une carrière dans le journalisme, là ? Journalisme, mais aussi promotion. J'aime bien suivre les groupes de près, hein, notamment les Overdrivers. Les Overdrivers, ouais. Bien sûr, qu'on aime tous. Qu'on aime tous, mais c'est normal, ils sont attachants. Et puis leur album est vraiment bien, quoi. Voilà. Leur album est vraiment bien, on en a passé beaucoup quand même à Rock the Nation, on va encore en passer. Et puis ouais, ben, on parle de Overdrivers, ils sont en plus en concert ce mercredi avec les Sticky Boys. Donc au biplan. On salue les deux groupes, oui au biplan, donc c'est 10€ la place en pré-vente. Le biplan c'est donc rue Colbert à Lille. Et attention, ça risque d'être complet. Ouais, ben, je vais me dépêcher à aller prendre ma place quoi. J'aime me dépêcher. On repart en musique. Tu nous as choisi un deuxième titre. Là, c'est un de tes coups de cœur de l'année qui s'écoule. Alors du coup, c'est le groupe Dizzy Miss Lizzy. Donc ça, c'est un groupe qui est dans le nom du groupe est une référence directe au titre des Beatles, de l'album Help. Ah, j'aurais plus cru un hommage à Thin Lizzy. Moi. Mais bah, je connais mal les Beatles, hein, les Beatles. C'est un groupe que j'ai découvert grâce à, un Roger Replica. Un partenaire de Soon Lakel qui envoie régulièrement de la musique. En général, j'ai pas vraiment de coup de cœur particulier, étant donné qu'avec le temps, je commence à devenir difficile, mais ce groupe-là, je sais pas, j'ai découvert et j'ai vraiment bien aimé le côté hard rock, mais aussi alternatif. Bon, je sais pas du tout si vous allez aimer, mais moi, franchement, je trouve ça énorme. Et du coup, j'ai choisi la piste 2, donc c'est la plage titulaire de l'album, donc c'est Forward in Reverse. Eh bien, c'est parti, on y va. We'll be right back. Dizzy Miss Lizzy, c'est un des choix de Axel, un de ses derniers coups de cœur. Axel, tu as écouté de bonnes choses dernièrement ? Dernièrement ? J'ai écouté quoi hier ? Ah, ce matin, rapproche-toi du micro aussi. Dernièrement, tu veux dire de découverte ou... Ce matin, j'ai écouté Jailbreak de Finizi. Oui, bien sûr. Super bien. Ouais, c'est un classique. Un classique. Hier, j'ai écouté le Overkill. Under Influence. Voilà, j'ai écouté ça. Qu'on s'est procuré tous les deux au même endroit, quasiment. Au même endroit, oui, parce qu'il faut profiter des promos. Attends, je fais de la pub. Il faut profiter des promos. Des promos, ouais, les disques en pas ce chers. Moment, oui, les disques pas chers, mais on va pas faire de la. Mais tu vois, non, pas tout, tous les Menomals. Bah justement, bah on fait la pub sur Facebook aussi, donc voilà, faut en profiter, il y a des bons disques, et puis bah par exemple Overkill c'était peut-être un des derniers qui manquait en CD, donc... Voilà, il faut en profiter, voilà, quoi. On n'aura pas pour tout le monde. Exactement. Donc ouais, niveau découverte dernièrement, j'ai découvert un groupe lillois, alors je l'avais chroniqué pour le troisième numéro de Soundlacal, c'est un groupe qui s'appelle Showers, qui propose une sorte de Black Death atmosphérique, ils commencent encore, ils ont sorti un EP ou un album, je ne sais plus trop. Et là, je m'étais pris vraiment une claque. Une claque. Après, dernièrement, j'ai bien aimé l'album acoustique de Clone. Donc, Clone, donc, le groupe de metal prog Poitiers, il me semble. Ils viennent de Poitiers. Et ils ont réenregistré, il me semble, pas mal 10 morceaux ou 11 morceaux tirés de leurs deux albums précédents. Dernièrement, ouais, bon, c'est vraiment un de mes derniers coups de cœur. Et ensuite, j'écoute pas mal de choses, mais vu que j'écoute pas mal de choses, des moments je mélange tout, donc... Et totalement, souvent, je... t'as tellement de trucs à écouter j'ai aussi. Tellement de trucs à écouter, mais j'aime beaucoup écouter les classiques, dont on parlait, là, Overkill... Ouais, tu m'avais parlé de Rush aussi, t'écoutais pas mal Rush. Rush, en ce moment, j'ai une période Rush en ce moment. Aussi les Ramones, c'est aussi une période Les Ramones, hein, bien sûr, les Ramones, fantastique. Voilà, et j'aimerais bien qu'un jour, qu'il y ait des groupes... commence à être aussi bon que tout simplement. Non, ça vient. Ouais, quand bah oui, regarde, on parlait d'Overdrivers, franchement, je trouve que c'est un super groupe. Bon, il manque un peu d'identité, mais. C'est ça qu'on leur reproche le plus souvent. Ça me choque, mais, vraiment, les connaissants, ça me choque, là, les connaissants, je suis sûr qu'ils sont en train de répéter, en train de composer des super morceaux, là. Très bien, très bien. On va revenir un peu sur ton zine. Quels sont tes meilleurs souvenirs de concerts et d'interviews Les meilleurs souvenirs, c'est pas forcément lié au magazine, mais à mon expérience en général. L'année dernière, c'était lors de la conférence de presse de Megadeth. Parce que pour moi, un jeune métalleux de... Bah, j'avais 21 ans à l'époque. J'ai 22, donc ça change pas vraiment. De rencontrer Dave Mustaine, Dave Mustaine et tous les autres, parce que bon, il y a la photo, on voit qu'ils sont tous. En train de me regarder. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils disent Ils sont vraiment concentrés sur. Sur mon anglais, je te voilà. Mais c'est des petits moments comme ça qui font que. C'est super. On vit le rêve à fond et le lendemain, quand on ouvre les yeux, il est déjà l'heure de passer le CAPES. Donc, vu que je suis allé au Hellfest, et la semaine d'après, j'avais le CAPES. Mais comment fait-il Du coup. Lors de match, je suis allé chez le coiffeur, j'ai coupé 20 cm de cheveux et c'était pour le CAPES. C'était pour le CAPES. Voilà, une initiative louable, c'est bien. Que j'ai eu, donc merci, coiffeur. Ouais, non, mais j'en suis la preuve vivante, pas besoin d'avoir les cheveux longs pour être fan de métal. Ah bah oui. et les meilleurs concerts les meilleurs concerts, j'en vois, des concerts en moyenne, c'est 2 par semaine. La semaine prochaine, c'est 3. La claque que j'ai eue l'année dernière, c'était les Overdrivers au Betis Fest. Je connaissais Anthony, le guitariste, juste de vue, vite fait, il était dans mes amis Facebook. Mais la claque qu'il nous a mise au Betis Fest était quand même bien, bien, très bien. Et ensuite, niveau valeur sûre, niveau claque, dernièrement... J'en ai vu tellement de... Tu as aimé le concert de Crision, par exemple, à Wani ? Ah oui, j'ai bien aimé, c'était un peu court. J'étais pas, cas, malheureusement, c'était mais... Mieux, en tout cas, c'était bien mieux que Dark Funeral. Ouais. Parce qu'ils ont eu des problèmes de son, notamment une guitare qu'on n'entendait pas du tout. Donc il y avait même une embrouille avec un des membres, avec le leader. C'était pas le leader, je sais plus, c'est Lord Harriman qui a pété un câble sur scène carrément. Ah si, c'est lui. Je pense que c'est lui le leader de Dark Fufu. Oui, c'est lui. De Dark Fufu. Donc voilà, il avait pété un câble et voilà. Et donc ça, c'est une déception, mais tu as eu de grosses déceptions. T'attendais tel album, t'attendais de faire telle interview, de voir tel groupe en live, et tu te dis, c'est ça, je suis vraiment déçu. De toute façon, la dernière fois, c'était la polémique qu'il y a eu vite fait sur mon mur cette semaine par rapport au live report de Avenged Sevenfold. Ouais. Quoi qu'on dise, les goûts, les couleurs, je respecte les goûts, je respecte les couleurs, mais... peut-être que c'était mon placement dans la salle. Pour moi, le concert n'était pas à la hauteur de mes espérances. Il faut quand même m'imaginer, bon, bien que je sois un cas à part, c'était quand même 50€ la place. C'était un concert qui m'avait l'air un petit peu trop superficiel et voire un peu, je vais pas dire insultant, parce que le groupe il a quand même ses fans, mais. Il y a des choses que je n'ai pas compris tout simplement. J'ai pas du tout aimé. D'accord. J'ai trouvé que c'était cliché sur cliché, que le potentiel que le groupe avait, il n'avait pas à s'exploiter. On aurait dit en fait une sorte de boys band qui reposait en fait son show sur les grands écrans. D'accord. Les vidéos en fait qui étaient sur scène et les grosses structures. Après, il y a des gens qui aiment bien. Je suis d'accord, ils peuvent très bien aimer, mais moi. C'était pas beaucoup. Limite Disturbed c'était plus convaincant. Ah ouais, Disturbed c'était bien. Un petit peu trop de flammes, on aurait dit que le show là reposait sur les flammes. Mais quelle voix... Jamais assez de flammes. Jamais. Non mais là, je sais pas comment il s'appelle le chanteur, mais vraiment ça c'était bien. D'accord. Il avait du coffre. Et bon, ensemble c'était une bonne soirée, mais malheureusement la tête d'affiche n'a pas tenu toutes ses promesses. Pourtant, Avenged Sevenfold a sorti un nouvel album, The Stage, que je recommande parce qu'il est pas mauvais. D'accord, chroniqué dans le dernier numéro, mais dernier ce n'est numéro. Pas toi qui fais la chronique. Ce n'est pas moi qui fais la chronique, j'ai préféré laisser un de mes journalistes, Romain Richer, qui écrit également chez Illico. Laisser la faire, parce qu'il est fan, donc autant laisser les fans le faire. Voilà. Quels sont tes projets, là? Bon, le numéro 5 de Sounds Like Hell, bien sûr. Projet numéro 5, le numéro 5, bien sûr. Consolider la plateforme YouTube de Sounds Like Hell, étant donné qu'on donne aussi des interviews vidéo. On a l'intention de conclure un partenariat avec une grande marque de guitare, une grande marque de magasin, un grand magasin de Lille, pour avoir du matos pour pouvoir, en échange de pub, donc pour pouvoir donner en fait des interviews de meilleure qualité, parce que nous on enregistre avec le portable. Ce serait mieux d'avoir un micro tout simplement. Donc ça c'est en projet. Ensuite le projet c'est de continuer, je ne vais pas dire de s'imposer, mais de continuer à faire ce qu'on aime tout simplement, je pense. Parce que la musique c'est un truc qui se partage. Et à promouvoir la musique. La scène locale et la musique en général. Et je tiens à dire que le nom va changer aussi, ça c'est important. Le D'accord. nom va changer à partir de septembre prochain. Étant donné que, personnellement, quand j'ai commencé le magazine, je ne connaissais pas la boîte de production qui s'appelle Sounds Like Hell Production sur Lille. Je ne connaissais pas du tout. Et il s'avère que ça pose des problèmes. Donc je comprends, hein, c'est normal, d'un point de vue éthique, ils étaient là avant. Donc moi, quand j'ai commencé Sounds Like Hell, je ne savais pas que ça existait. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que Sounds Like Hell commence à prendre de l'ampleur. Donc je me suis dit, bon, quand j'ai réalisé qu'il y avait un autre nom, je me suis dit, bon, de toute façon, Sounds Like Hell... C'est amateur, vraiment, quand j'ai commencé, c'était amateur. Donc, honnêtement, je me suis dit que, quand tu m'as dit que tu allais sortir ça sur papier, je m'attendais quand même à ce que ça marche, et est-ce que le nom Sounds Like Hell circule non seulement dans le nord de la France, mais aussi en Belgique. Il circule, de toute façon. Je reçois énormément de mails pour des gens qui n'habitent pas dans la région, qui me demandent de l'avoir. Où est-ce qu'on pourrait le trouver sur Bordeaux? Donc t'as l'air surpris de ce succès quand même. C'est grâce à Facebook, c'est grâce aux réseaux sociaux, étant donné qu'on a une équipe très soudée, hein, chaque personne a son rôle. C'est ma soeur jumelle qui se charge des réseaux sociaux, il y a Mario qui gère le webzine, moi je gère le contenu, après il y a Po qui fait le graphisme et il y a toute une équipe à côté qui écrit et qui se charge de c'est un peu de la propagande, hein, mais de faire que ça se voit, parce que aujourd'hui tenir un webzine c'est surtout être fort en communication, parce que si on a beau avoir le talent, on a beau bien savoir écrire, si jamais on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux comme il se doit, on peut rester dans l'ombre. Après, peut-être qu'il y a des gens qui... c'est leur souhait à eux d'écrire pour eux. Mais aujourd'hui, pour Sounds Like Hell, si ça pouvait vraiment prendre une plus grosse ampleur, pourquoi pas. Après, ça reste de l'amateurisme, on n'est pas payé, on fait ça pour s'amuser. Mais après, ouais, mais c'est du beau boulot, quoi. C'est pas, non, c'est pas amateur. C'est peut-être amateur, mais c'est du travail et professionnel. Quoi. Et je tiens à dire aussi que le projet de base, c'est toujours de répandre la culture métal du Nord-Pas-de-Calais dans l'ensemble de la France. Donc, si jamais les Sticky Boys, si jamais les Fake Off, les Hill Blaster, les Dada Bovic et tous les groupes du Nord-Pas-de-Calais arrivent à se faire entendre sur Paris ou sur Bordeaux ou sur Marseille, bah, Paris sera gagné parce que automatiquement les gens vont s'intéresser à eux et vont les faire jouer et automatiquement la scène du Nord-Pas-de-Calais sera représentée partout en France. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Axel Meux en cette année 2017? Déjà d'être titularisé, d'avoir, faut rester. T'as les pieds sur terre. Ouais, terre à terre, parce que moi je travaille, je fais ma première année en tant que professeur, donc tout d'abord avoir mon poste. Déjà je reste dans le Nord, donc c'est déjà très bien, donc je vais pouvoir continuer à aller voir des concerts au Splendid et à la Renef. C'est bien parce que ça bouge, quoi. Parce que ça bouge. Il y a 10 ans c'était pas le cas. Hein. Et ensuite, bah oui, et ensuite consolider le magazine à la rigueur. Grossir et moi j'aimerais bien aussi rencontrer d'autres gens que je connais, de continuer ouais, à rencontrer des gens, à faire de belles rencontres. Alors tes rêves les plus fous, on te dit demain, t'as le choix d'interviewer la personne. En fait, le truc c'est que mon rêve le plus fou a déjà été réalisé, c'est oui, je sais. Ozzy Osbourne. c'est pour ça que mon rêve le plus fou c'est de rencontrer Ozzy Osbourne. Si demain on me propose de faire une interview d'Ozzy Osbourne, c'est sûr que là. Tu le mets en couverture de Sounds Like Hell. Ah là, je le mets en couverture de Sounds Like Hell, bien sûr. Et oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que vu que mon rêve le plus fou a été déjà réalisé, comment faire maintenant pour ne pas être blasé, parce que est-ce qu'il y a déjà une certaine forme de lassitude qui s'installe à force d'aller voir tous ces concerts? La fatigue, ouais. Je suis fatigué, mais au final, je suis content parce que je vois des gens. Mais c'est toujours mieux d'aller voir un concert que de rester chez soi à regarder la télé pour moi. Bah, c'est peut-être bête comme ça, mais faut profiter de la vie, quoi. Bah oui, totalement. Totalement. Profitons. Parce que c'est pas devant la télé à regarder les enjeux d'arrêter qu'on va profiter de la vie. Et ça, c'est ce que je dis à mes élèves en général. Un dernier mot, Axel, pour terminer cette interview. Est-ce beaucoup. Que je n'ai rien oublié? Non, tu n'as rien oublié, c'était impec. Bon. Merci beaucoup. Hein, comme c'est moi qui te remercie, il n'y a pas de souci quand tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, ton dernier choix, comme par hasard, ouais. Black Sabbath, l'album volume 4. Volume 4, qui est mon préféré. Ah pourquoi oui. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Pour moi, si je veux dire pourquoi, parce que c'est le plus riche, le plus diversifié. Les morceaux ne se ressemblent pas. Puis bon, on est en 71, le groupe venait de sortir. Non, en 72, excuse-moi. Le groupe venait de sortir Master of Reality, il y avait Paranoid, il y avait Black Sabbath avant. Donc ça fait partie de la trilogie hein, des albums cultes de Black Sabbath. Mm-hmm. Et pourtant, avec le volume 4, ils ont quand même réussi à continuer sur leur lancée. Et le morceau que j'ai choisi, c'est donc Under the Sun, Every Day Comes and Goes. Mais le morceau qui clôture cet album. Le dernier morceau, super lourd. Il est très lourd, l'introduction est super lourde et très riche. Parce qu'en fait, au milieu du morceau, ça change totalement de rythme. Et après, il y a le solo, et c'est sûr. Mais rassure-moi, tu es quand même un amateur de Black Sabbath featuring Ronnie James Dio. Ah, bien sûr, et de Tony Martin, j'aime beaucoup. Hein. Bien sûr. C'est peut-être plus FM avec Tony Martin, mais je pense à des morceaux When Death Call ou Headless Cross. The Shining. The Shining, un grand classique The Eternal Idol, bien sûr. Voilà, écoute, encore un grand merci de ta venue dans les studios, et puis je répète, hein, quand tu veux, t'es le bienvenu, t'as presque les clés de RQC. Ah, c'est cool. Allez, Black Sabbath, volume 4, l'album de 1972, et le morceau qui clôture cet album, Under the Sun. Just live your life and leave them all behind. What you got now? You got a war. You got a global war. You got the Chinks, you got the Dominicans, the Asians, the Russians, the Colombians, the Jamaicans. What are they doing? They desecrate the nation. Dress better than them, they take it personal, like it's a fucking vendetta. They're supposed to act better than the rest of us. Tout un programme, Deviate à l'instant, l'album de 1999 sur le label Ice Cream Records, le label du batteur de Deviate, Lawrence, faut-il le rappeler. L'album s'appelle State of Grace et le morceau Wounds of Time, c'était le morceau d'ouverture de cet album. Juste auparavant, les Noise Emission Control avec leur dernier EP en date Désordre et Mépris, le morceau Le Style. Tout ça pour dire que Noise Emission Control seront dans nos studios la semaine prochaine à partir de 15h sur le www.rqc.be pour une interview consacrée à la promotion de ce EP5 titre Désordre et Mépris. Voilà, le rendez-vous est donné. J'espère que vous serez toutes et tous présents pour cette interview. Voilà, on rappelle que Rock the Nations, bien sûr, c'est sur Facebook avec l'intitulé Rock the Nations Radio Show. Et vous pouvez également faire un tour sur ma page Facebook Bruno Iron Alford, Iron Alford en un seul mot, avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît. On part avec une double dose et celle-ci est consacrée à Lock Up. Power changes. La double dose consacrée à Lock Up avec donc deux extraits, un extrait du premier album Pleasures, Paved Sewers, paru en 1999. À l'époque, le line-up était composé de Jesse Pintado, le regretté Jesse Pintado à la guitare, Nicholas Barker à la batterie, Shane M. Bury à la basse et Peter Tad Green de Hypocrisy au chant. Et pour le deuxième album, avec un autre extrait, Catharsis, l'album s'appelle Hate Breeds Suffering. Le line-up reste inchangé, excepté bien sûr Peter Tad Green, qui a été remplacé par le chanteur de At The Gates, le chanteur de The Crown, j'en passe des meilleurs, Thomas Lindbergh. Voilà, on repart en France avec les dernières nouveautés du label Great Dane et Sepulchral. Les retours de Sepulchral avec le CD Back From The Dead et un nouvel enregistrement Internal Decomposition. Yeah. 16h57 sur le 95FM, www.rqc.be, l'émission Rock the Nations touche à sa fin à l'instant. Les dieux polonais Vader avec un extrait de leur CD-DVD paru sur le label Metal Mind, Blood Was Shed in Warsaw, et c'était le morceau Out of the Deep. On peut retrouver la version studio de ce morceau sur l'album The Beast paru en 2004. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, et puis prenez soin de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec les Noise Emission Control en interview, ne l'oubliez pas, sur le www.rqc.be. Et on termine avec de nouveau Face No More, mais cette fois-ci avec Mike Patton, l'album King for a Day, Fool for a Lifetime, paru en 1995, et le morceau The Gentle Art of Making Enemies. Bonne semaine à vous, et à dimanche prochain. Ciao, ciao. It's the gentle art of making enemies.